ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience. Je fais les 100 pas dans la cellule, loin de la rage jamais, mais je suis tombé pour l'honneur de ma famille, je regretterai jamais. Tous les moutons, on garde à vous, c'est nous qu'on traite de blaireaux. Aujourd'hui on passe pour des fous, demain on sera tous des héros. Et tout ce que je vois c'est méprisant, dans leur procès hésitant. Des gens assermentés pour protéger la chute du président. Et faudrait peut-être vous rappeler avant de vouloir nous exploser, que vos pavés c'est nos grands-parents qui sont venus pour les poser. Nous, qui avons tout, on est pour la paix. C'est que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Je le dis de suite, je suis pas politisé, je parle pas dans votre langage. Mais pour le pays des droits de l'homme, je trouve qu'il y a beaucoup trop de monde en cage. Que ferais-tu à celui qui vole ton peuple et détruit ton pays? Celui qui décime la population plus vite que Pompéi. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Il rêverait de pouvoir me faire taire au Chatterton, parce que je suis révolté comme chaque cri de chaque personne. Ils ont du sang sur les mains, mais Dieu est grand. Et moi je prie, maintenant que j'ai compris ma mission, je me demande plus pourquoi je prie. Ils comprennent pas qu'on lâchera pas, même si par terre ils placent des mines. Quand ils seront 10, on sera 200, quand ils seront 200, on sera 1000. Et j'imagine déjà ce que la fin du combat va donner. Quand on aura repris les rênes, les fautifs seront pas pardonnés. Et quand tu tires au flashball et que tu me gâches la vie, est-ce que tu repenses quand t'es devant la glace ou que t'embrasses ta fille? Et je pense aussi à toute la rage de la future génération qui grandit, vous voit taper leurs parents et couler leur nation. Les petits qu'entendent leurs aînés parler de cette sale police, qui découvrent qu'au commissariat ça s'enfume et ça s'alcoolise. J'ai l'âme d'un révolutionnaire, j'attends ce moment depuis que je suis minot. J'essaye de nous remettre sur le bon rail comme un cheminot. Et je sais pas si tu réalises, mais tout là-haut là ils balisent. Et chants qui sont à deux doigts de craquer et de plier leurs valises. Et je sais pas si tu réalises, mais tout là-haut là ils balisent. Et chants qui sont à deux doigts de craquer et de plier leurs valises. Dans toute leur façon de faire, ils sont bien loin d'être exemplaires. Ils font du mal à des gens bien qui méritent pas qu'on les emmerde. La situation se corse, les vitrines de banque explosent. Quel est le bon moyen pour qu'ils écoutent ce que l'on propose? L'information est disponible, n'écoute pas la télévision. Leurs paroles sont plus audibles, ils mentent dans toutes les émissions. Consultez-nous avant de prendre des décisions. Emmanuel, c'est tout un pays qui attend à tes missions.